Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur The Game of the Station 107FM pour cette 22e chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé des douleurs liées au tatouage et de la réglementation. Avions poursuivi par la première partie du tatouage à encre blanche. Avions terminé avec le motif du renard et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la popularité des tatouages et du tatouage dans les élevages d'animaux. Continuerons avec la deuxième partie du tatouage en encre blanche et nous finirons avec un motif et ses significations. Démarrons tout de suite. Longtemps resté impopulaire dans de nombreux pays, notamment à cause des catégories d'individus se faisant tatouer. D'ailleurs, Marie Cipriani Crost, une psychologue au Centre d'ethnologie français, explique à propos des personnes réticentes, les images négatives prédominent. Elles associent ces types de parures à la délinquance et au refus de se plier aux normes de la société. C'est pour cela qu'au Japon, le tatouage est assez mal vu. En effet, il est pratiqué par les yakuza, et certains bains publics, sources chaudes, entreprises ou encore salles de sport interdisent leur accès aux personnes tatouées. Sans compter que dans de nombreux pays, la population criminelle et carcérale se fait largement tatouer, ce qui nuit encore plus à la pratique du tatouage. Mais cela s'améliore, notamment depuis les années 1990-2000. De nombreuses personnalités de la musique, du sport et des médias se font tatouer de plus en plus ouvertement, ce qui se voit. La majorité des artistes de musique rock, heavy metal, hip-hop ou encore R&B portent des tatouages. Comme l'effet de mode a tendance à se mondialiser et de nombreux jeunes changent les vieilles idées, en résulte de plus en plus de personnes se faisant tatouer ou acceptent mieux leur tatouage. Une étude menée en 2003 a montré que 31% des jeunes entre 13 et 19 ans se disent tentés par un tatouage. Il faut savoir que le tatouage est plus répandu aux États-Unis qu'en France, et d'après un sondage de l'Institut Harris Polls, en 2008, 40 millions d'Américains seraient tatoués, ce qui représente 16% de la population contre seulement 10% selon l'Institut IFOP, l'Institut français d'opinion publique, une entreprise de sondage, d'opinion et d'études marketing créée en 1938. Bien sûr, depuis, les chiffres ont largement augmenté. Un nouveau sondage sur les États-Unis a été fait, toujours par l'Institut Harris en 2012, qui montrait que 21% de la population américaine possède un ou plusieurs tatouages, soit une augmentation de 5 points par rapport à l'étude de 2008. Ce sont des études assez anciennes, bien que la dernière ait été faite il y a de cela 7 ans. C'est fort possible que les résultats aient encore changé, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc, si vous hésitez encore à vous faire tatouer à cause de la mauvaise réputation du tatouage, n'hésitez plus et allez-y. Et si vous avez prévu de partir en voyage au Japon, ne vous inquiétez pas, il existe de plus en plus de structures qui acceptent les tatouages. Le tatouage est aussi utilisé dans l'élevage des animaux. En effet, celui-ci permet d'identifier les animaux d'élevage. Nous parlerons de l'Europe. Comme vous le savez peut-être, les carnivores domestiques, chiens, chats et furets, devraient être tatoués afin d'être identifiés lorsqu'ils étaient perdus ou autres. C'est un tatouage qui comportait normalement 15 chiffres. 3 chiffres correspondant au code numérique du pays selon la norme ISO 3166-1. Le numéro 26 pour préciser qu'il s'agit d'un carnivore domestique. 2 chiffres correspondant au code attribué au fabricant et 8 chiffres permettant d'obtenir un code national d'identification unique pour l'animal. Aujourd'hui, le tatouage a été remplacé depuis le 4 juillet 2011 par une puce électronique sous-cutanée généralement insérée au niveau de la gouttière jugulaire gauche de l'animal. D'autres animaux peuvent être aussi tatoués tels que les lapins de race, lapin bélier, lapin tête de lion, etc. Ceux-ci sont tatoués sur les deux oreilles afin de concourir en exposition cunicole, entente européenne d'aviculture et de cuniculture. Sur l'oreille gauche figure le trimestre de naissance, un chiffre, le code d'association, 2 lettres et l'année de naissance. Un chiffre par exemple pour 2016 sera le 6. Sur l'oreille droite sont tatoués les chiffres et lettres figurant sur la carte d'origine, 5 ou 4 pour les races naines. Lapin bélier, lapin angora, etc. En France, c'est la Fédération française de cuniculture qui distribue les cartes d'origine où sont consignées la race, la variété, le sexe, la date de naissance, l'identification des parents, le nom et l'adresse de l'éleveur et ou naisseur. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage n'est pas réservé qu'à l'humain, mais aussi aux animaux d'élevage. Pourquoi cette précision? Car hormis ces derniers, il est strictement interdit de tatouer ces animaux sous risque de sanctions graves. Allons maintenant vers la deuxième partie de cette chronique, le tatouage à l'encre blanche. Dans la chronique précédente, nous avons déjà pu parler de la spécificité de l'encre blanche, dans l'engouement ainsi que ce qui changeait du côté technique. Nous avons pu voir qu'il y a de cela plusieurs années, fin des années 1990, début des années 2000, le tatouage à encre blanche avait essayé de se faire une place dans le monde des tatouages, mais il ne réussissait pas forcément, du moins jusqu'à que Rihanna ou encore Lindsay Lohan se fassent tatouer. Suite à ça, le tatouage à l'encre blanche devint une mode, mais qui ne dura pas très longtemps. Cependant, il nous restait quelques questions en suspens que nous allons voir tout de suite, en commençant par la question des peaux. Est-il possible de se faire tatouer à l'encre blanche sur n'importe quelle peau humaine? La réponse est non. En effet, uniquement les peaux claires peuvent se faire tatouer avec cette technique. L'encre blanche n'étant que très peu couvrante, elle n'est donc pas ou très peu visible sur les peaux noires et mates. Mais quels sont les dessins les mieux adaptés pour ce type de tatouage? Les mieux adaptés sont les motifs ressemblant à la dentelle, ainsi que des symboles pyramides, étoiles, etc. Il faut toutefois savoir qu'il est impossible de recouvrir une grande surface de peau, car il faudrait beaucoup, beaucoup de séances. De plus, il n'est pas possible de faire des dégradés. Alors certes, nous avons pu entendre que seules les peaux claires peuvent se faire tatouer à l'encre blanche et qu'il n'est pas possible de faire de grandes surfaces de peau. Mais est-ce que cette encre vieillit bien ? Eh ben pas toujours. Avec le temps, elle peut jaunir, voire complètement disparaître. C'est pour cela que beaucoup de professionnels du tatouage refusent de l'utiliser. Mais si malgré tout l'envie vous prend de vous faire tatouer à l'encre blanche, il faudra alors protéger les tatouages du soleil avec une crème solaire à l'indice SPF 50. Au pire des cas, un motif peut toujours être touché ou recouvert avec une encre plus foncée. Concernant les prix, comme l'on a dit plus tôt, c'est un type d'encre qui doit être passé à maintes reprises avant d'obtenir le résultat désiré. C'est pour cela que ce type de tatouage est un peu plus cher que le tatouage d'une autre couleur. Pour un dessin de 6 cm par 6 cm en deux séances, donc un tatouage très petit, il faudra en compter environ 150 à 250 euros pour les deux séances. Ça y est, vous vous êtes fait tatouer, et les semaines ainsi que les mois passent, et vous en avez assez de vos tatouages. Vous décidez de vous le faire enlever, et vous ne savez pas comment l'encre va réagir au rayon. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ces derniers, on en a parlé dans les chroniques 18 et 19. Il faut savoir que, pour effacer un tatouage à l'encre blanche, les avis des spécialistes divergent sur la question. Car lors du détatouage, il peut survenir une pigmentation noire qui complexifie le travail. Mais dans tous les cas, que ce soit un tatouage à l'encre blanche ou avec une autre encre, un retrait complet et sans cicatrice ne peut être 100% garanti. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage à encre blanche n'est pas très pratiqué par les professionnels du tatouage, et il est très compliqué d'avoir un aussi beau résultat qu'avec une autre encre. Or, si vous décidez tout de même de vous faire tatouer à l'encre blanche, il faudra dépenser plus qu'un autre tatouage de même taille, mais en plus, ce n'est pas certain qu'il tienne très longtemps. À vous de décider. Passons à la troisième partie de cette chronique, un motif et ses significations. Et le motif du jour est le lotus. Généralement, la fleur de lotus respire la beauté et la grâce. C'est une très jolie fleur qui tire ses racines dans les marécages boueux afin de s'épanouir à la surface de l'eau. C'est une fleur qui est aussi utilisée dans certaines cérémonies religieuses. Dans le langage des fleurs, lotus signifie l'éloquence. Cependant, dans certaines cultures orientales, la fleur de lotus a une symbolique importante. Durant les règnes du pharaon, par exemple, la fleur, gravée sur les tombeaux, était un signe de renaissance. Dans la culture hindouiste, la fleur représente la paix et l'éternité. D'ailleurs, le créateur ultime hindou, Brahma, aurait, d'après la légende, émergé d'une fleur de lotus. Toujours pour rester dans les religions, patience, pureté, conscience de soi et mysticisme ressort du lotus dans la religion bouddhiste. C'est une fleur qui possède un rôle spirituel. Il est possible de se faire tatouer la fleur de lotus dans différentes couleurs. En fonction de celle choisie, cela influencera la signification générale. Les lotus blancs ou roses représentent la pureté et la dévotion. Les lotus pourpres, rouges et bleus représentent l'ascension spirituelle, la renaissance et l'illumination. Le lotus vert, quant à lui, est un cadeau pour quelqu'un qui aimerait améliorer sa vie et prendre de bonnes habitudes. Le tatouage lotus tire ses significations de la fleur elle-même. Par exemple, arborer un tatouage lotus peut vous permettre de tourner la page après un événement marquant. Un tatouage lotus rouge peut symboliser l'amour et la pureté. Un tatouage lotus bleu peut symboliser la sagesse et le calme. Et pour finir, la fleur de lotus symbolise la douceur et la féminité. Il existe encore quelques autres significations de ce tatouage, comme la force du positivisme ou encore l'accomplissement face aux épreuves difficiles. En effet, c'est une fleur qui naît dans la boue avant d'arriver à la surface de l'eau, donc elle se bat pour atteindre son objectif qui est de vivre au grand air. Comme nous avons pu l'entendre, c'est une fleur aux nombreuses significations, mais dans tous les cas, certaines en ressortent plus que d'autres, comme la beauté, l'épanouissement, la protection ou la pureté. Donc si vous êtes à la recherche d'un tatouage qui représentera l'éloquence, la renaissance, la dévotion, etc., le tatouage lotus sera parfait pour vous. C'est ainsi que cette 22e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de votre avis sur la page Facebook de Radio Gamezo, sur son site à l'adresse www.radiogamezo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de 1000 et une histoire de tatouage. Ciao!